pouvez réécouter cette émission ainsi que consulter la liste de toutes les chansons jouées via le CISM893.ca et l'application mobile de CISM. Bonjour à toi, cher auditeur de La Marge. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolaine Ruet jusqu'à 4 heures. Critique de Crowd, ben oui, le nom l'explique bien. Je critique les foules. Je t'observe, j'essaye de te comprendre. Je t'aime surtout, Crowd. Tu es si bon, même quand tu es assis devant un spectacle et que la principale chose que tu vas faire, c'est écouter le spectacle. Ce sera le cas cette semaine parce qu'on est loin de la semaine dernière avec un mille et un mosh pit trash body surf du Puzza Fest. Non, cette semaine, ce sera plutôt tranquille, mais aïe aïe aïe, on sort de ces zones de confort assurément puisque c'est un spécial ballet danse classique. Et en même temps, ça va être un peu comme... j'ai envie de dire le mot coming out, là, mais depuis le mois de septembre, je prends des cours de ballet. Alors pour moi, c'est pas tant comme sortir de mes zones de confort que de mieux comprendre la patente et pouvoir vraiment bien vous l'expliquer. Alors oui, critique de crowd, c'est de l'observation de foule et de la compréhension, mais c'est aussi tout l'enrobage qui amène vers le spectacle, entre autres les cours de ballet et l'enthousiasme que ça peut avoir le ballet sur la foule, qu'elle soit pratiquante ou qu'elle soit tout simplement en train d'y assister. Alors ce sera, oui, beaucoup de choses. Et c'est entre autres parce que je suis allée voir deux spectacles, pas juste un. Non, la semaine dernière, c'était quand même assez fou. Et je suis allée voir le 25 mai dernier au Théâtre Maisonneuve, Falling Angels, et il y avait deux autres ballets à l'intérieur de ce spectacle, dont deux de Hiri Kilian et Searching for Home de Stephen Toth. Et sinon, le lendemain, je suis allée voir Corps de ballet, c'est le spectacle annuel des finissants et étudiants de l'École supérieure de ballet du Québec. Le tout se passait à la salle Pierre Mercure, au centre de Pierre Péladeau. Alors, voilà! On va s'amuser, je vous le dis. Et vu qu'on parle de ballet, je crois que c'était bien la moindre des chances de commencer avec une chanson thématique ballerine, Nalf Puffin, ballerine de Violette P sur son album Eve. je crois que je vous en parle jamais assez, cher auditeur de CISM, du Violet de Pie, je l'adore. Et vous avez entendu Nale Buffine, ballerine en ce spécial ballet à Critique de Crowd. Critique de Crowd, c'est aussi une émission bien personnelle parce que ben déjà je suis toute seule à l'animer, fait que c'est pas mal. C'est mon regard, ben oui, sur la foule, mais aussi justement l'intérêt que peut avoir les genres musicaux, les spectacles que je vais voir. Et cette fois-ci, c'est bien particulier avec le ballet parce que vraiment, je me serais jamais dit dans ma vie que j'allais prendre des cours de ballet un jour. Je crois que c'est plutôt comme une forme de dépassement de soi, de curiosité, et aussi parce que tant qu'à apprendre une danse, autant commencer par la danse classique. Dit classique, dit la base de tout. Oui, parce que c'est les lignes, c'est les axes, c'est comment tu mets ton poids dans le mouvement. C'est les bases de tout, vraiment. Je pourrais vous en parler assez tout croche. Parce que je suis zéro théoricienne, mais je pourrais en parler avec beaucoup de passion. Et je trouve que c'est ça, le ballet, c'est... Bon, déjà, le ballet romantique, c'est rempli de passion, tout le monde meurt par amour, mais le ballet, en soi, attire beaucoup de passion. C'est peut-être le fait qu'enfant, il y a beaucoup de rêves d'enfance associés au ballet. Je pense à Casse-Noisette. Comme tout le monde, beaucoup de gens, ça va être la seule fois de leur vie qu'ils vont aller voir du ballet, ça va être à Casse-Noisette. Et je suis retournée en décembre dernier et je vous confirme que c'est vrai que c'est une grosse sortie familiale. C'est clair qu'il y a un bébé qui pleure à quelque part, il y a des yeux émerveillés d'enfant, il y a beaucoup de bonbons vendus au bar. Par rapport aux ventes habituelles qui est de la bière, une coupe de drink, ah là, ça, c'est comme incomparable. Jujube, chocolat, petite croustille. C'est comme un vaste inventaire que tu ne revois jamais au théâtre Wilfrid Pelletier, mais assez certain. Et ouais, je ne pourrais pas accuser non plus juste Casse-Noisette. Je crois que, disons, en tout bon sexisme, les petites filles, le petit tutu. Tu sais, on dirait qu'il y a comme quasiment une automatisme de « Ah, on va leur faire un sport. Oh, on fait du ballet. » Et que... plusieurs en gardent un souvenir d'enfance très, très fort. Dans mon cours de ballet, je vais revenir sur le sujet, mais il y en a plusieurs pour qui c'était de réaliser un rêve d'enfance, même si, bon, la réalité est beaucoup moins rose et moins tutu que ça l'est. Mais oui, l'aspect a quelque chose de jeune et encore vibrant. Et parlant de rêve à réaliser, j'ai une anecdote quelque peu crowdien, mais j'avais vraiment envie de vous le partager, chers auditeurs de la marge, puisqu'en revenant justement d'un de mes cours de ballet, ben, je sais pas pourquoi, mais tout le long du cours, j'avais vraiment envie de manger des saucisses déjeuner. Tu sais, quand t'es pas concentré, t'es en train de faire comme, ah oui, troisième position, on tient la barre, oh, puis moi, j'ai comme juste envie de manger du gras. Alors, j'étais là en train de penser à mes saucisses et je suis sur le plateau, alors je m'arrête. Oh oui, publicité, mais j'aime tant le fameux. Alors, je vais au mythique fameux où je trouve que l'atmosphère est tout à fait familiale, fait que je m'assis où bon me semble. Et la serveuse s'assit carrément au siège en avant de moi. Je vous avouerai que c'est le moment où je me suis dit que, oh, le service est vraiment rendu familial, tu sais. Je me suis dit, OK, elle s'invite à ma table. Enfin, j'étais quand même surprise de la situation. Mais elle était plutôt observatrice parce que dans mes mains, je tenais les programmations des ballets canadiens, les grands ballets de Montréal. Oui, il faut faire la distinction parce qu'il y a aussi le National Ballet of Canada à Toronto. Fait que bref, ça de Montréal, le dépliant 2017-2018. Puis elle m'a dit, vraiment sérieusement, genre, tu danses là? Puis là, je me suis dit, voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? Ah! Mais non, l'autre programme que je tenais, c'était la feuille avec les coups pour la session d'été, avec, les différents cours qui se donnent à l'école. Et c'est plutôt celui-là qu'elle avait remarqué. Et elle me dit, je passe devant à tous les jours pour aller travailler et c'est mon rêve de recommencer à danser. J'ai dansé toute ma vie, là j'ai arrêté, ça me manque. Et c'est drôle, en le disant, j'ai tellement vu, parce que oui, un danseur, ça sculpte ton corps. Et je voyais, on dirait que ses muscles avaient une finesse et déjà juste comme le port de tête, tu sais, une tête fière, haute. On dirait que juste cette révélation-là marquait beaucoup sur la façon que j'avais de la regarder. Et là, j'ai laissé la feuille avec les prix, puis elle était vraiment, mais vraiment excitée. Une passion folle, et je trouve ça... oui, c'est le hasard qui fait en sorte que je suis tombée sur la serveuse qui a fait de la danse au fameux, mais reste que pour moi, je trouve ça quand même révélateur de cette grosse flamme qui a l'air jamais de s'éteindre pour ceux qui sont des véritables mordus de danse. Passion, passion, je vais le répéter sans arrêt, parce que, ben oui, le ballet est rempli déjà dans ses histoires de passion, et en plus, elle s'exprime même pour ceux qui le pratiquent. Sur ce, on va continuer en musique, parce que, eh boy, je vais pas faire de mauvais jeu de mots, mais ce sera peut-être le seul, la pointe de l'iceberg de la question. Prendre la route pour aller nulle part. Derrière les routes que l'on emprunte, nos amours échoués, nos passions défuntes, derrière les histoires que l'on raconte, et toutes les autres qui nous font. que nous sommes. Vous ne voyez que le minimum. Avec la chanson À la pointe. Ben oui, encore un jeu de mots. Et sinon, on a aussi entendu La pointe de l'iceberg de La question. Et vous écoutez toujours Critique de Crowd sur les ondes de CISM qui, oui, si toi aussi tu te disais, mais qui va à un cours de ballet? Quel crowd contient ces cours avec un si large espace et quelques bars et aussi des bars de centre, là? Ça prend quand même, il y a quand même de l'espace vide et qui est aussi comblé dans une salle de danse. Parce que oui, je crois que c'est tellement vaste, c'est quelque chose de bien d'imposant quand on arrive là une première fois. Mais sinon, question au crowd, c'est assez relax parce que c'est majoritairement, tu seras pas très surpris, des madames. Ah, je me permets l'expression madame parce que, bon, je ne connais pas ton état matrimonial, peut-être que c'est mademoiselle, mais enfin, ce sont de chères dames qui, dans leur kit de Lululemon ou leur kit un peu fitness ou leur maillot parce que bon, moi j'ai appris un peu sur le tard que l'auteur c'était soit le terme en anglais soit juste pas le mot qu'on utilise pour dire maillot de danse. Mais quand j'étais jeune puis je prenais des cours justement à ballet jazz, il me semble que tout le monde appelait ça un léotard et j'aime bien le terme vu que ça ressemble à léopard. Mais bref, on n'est pas en mou. Ça, c'est le gros point parce que sinon, on verrait pas nos mouvements et le professeur pourrait pas nous reprendre gentiment, là, on s'entend, mais il pourrait pas nous dire si on fait bien le mouvement ou non, si on serait en gros jogging ou tout aurait l'air flou. Mais il n'y a pas que des dames. Ben oui, il y a des dames, mais il y a aussi des étudiants et des étudiantes, visiblement en théâtre ou d'autres formes artistiques ou scéniques, parce que comme je vous l'ai dit, c'est la base de beaucoup trop de patentes, la danse classique, ce qui fait en sorte que ça devient un plus pour plein d'autres formes artistiques. Et il y a toujours un valeureux homme présent dans la salle. Dans ma classe, j'ai envie de le nommer, c'est Angelo. Mais tu sais, quand il y a juste un gars ou, encore une fois, dans un milieu où il y aurait majoritairement des hommes puis qu'il y a juste une femme, inévitablement, on se dit qu'il ressort du lot. Mais pas juste parce que le fait qu'il soit minoritaire comme sexe, mais je dirais que c'est par la motivation. C'est toujours la personne la plus crinquée, celle qui, oui, aide les autres parce qu'il a pris plusieurs cours dans la semaine. Fait qu'il devient, il devient l'exemple pour tout le monde. Je sais pas s'il en avait fait auparavant parce que aussi, il ressort du lot parce qu'il est très bon. Il a vraiment une grosse capacité. Et oui, il est mon guide. Il est mon guide. Le pire dans tout ça, c'est qu'au ballet, tu peux pas te crowd, tu peux pas te fier aux autres parce qu'en fait, tu vas pencher la tête puis ça va être pas beau. Puis on veut pas ça, des affaires pas belles. Niaou. Fait que t'es obligé vraiment d'avoir de la mémoire. Et hey boy. Et ça prend, oui, l'attention sur son propre corps. Tu peux pas non plus checker si tes billets sont bien placés. Faut le vivre. Alors, on zieute Angelo, mais pas trop, parce que sinon, ça va tout gâcher la sauce. Et quand je dis que je fie à lui puis qu'il me donne des conseils, je sais pas à quel point je fais partie du lot des madames, parce que, tu sais, à un moment donné, il m'a dit: hey, Angelaine, tu vas bien vite! T'es bien énervé! Tu fais-tu du kickboxing, genre, pour, pour avoir des mouvements aussi saccadés? Et ma première réponse, très critique de crowd qui va te faire une critique de show rock, j'ai dit: mais non, c'est à cause des mosh pits! Il n'y a pas beaucoup de silence dans un cours de ballet parce qu'il y a toujours le piano qui joue. Et là, je vous dirais qu'il y avait un silence de compréhension entre lui et moi. Il était comme: hein, de quel sport tu parles? Puis j'étais comme: oh non, laisse faire, dans quoi je me suis embarquée. Et je crois que la fois où j'ai été la... où le rock aura eu le dessus sur moi et sur la cour de ballet et durant le festival Distorsion, ben oui, parce que le festival, il terminait un dimanche et mon cours à moi, c'est le dimanche matin. Alors, j'avais gardé mon bracelet pour pouvoir aller voir Yonatan Gat et pour une première fois, fête Nat, et j'avais très, très, très hâte. Alors, je gardais bien précieusement mon bracelet jusqu'à la fin du festival et on allait comme commencer la classe, tout le monde s'installe à la barre et encore une fois, c'est drôle, silence. La professeure vient me voir, s'approche, me demande avec le plus grand sérieux du monde: est-ce que c'est un bracelet d'hôpital? Et je crois qu'elle craignait beaucoup pour ma santé parce que, ben, c'est sûr, physiquement, faudrait pas que je fasse des mouvements qui soient contre ma guérison. Et là, j'ai répondu, et oui, tu sais, je parle fort, puis oui, c'est des grandes salles, fait que j'ai répondu: alors, c'est pas un bracelet d'hôpital, c'est un bracelet de festival, je suis pas malade, je suis juste sur le party! Je crois que les rires les plus inattendus sont les meilleurs, et dans une classe de ballet, je crois que c'est des plus excellents que j'aurais pu à recevoir ou offrir aux gens. C'était un rire, je sais pas à quel point elle est punchée ou drôle la phrase, mais ce type d'humour dans une certaine circonstance ramène, ah oui, ce petit effet spécial qu'a l'humour. Ah, humour de tous les jours. Et voilà. Sinon, je sais pas si pour mes critiques, le fait que j'ai pu toucher un peu, parce qu'on va se le dire, ah mon Dieu, il y a une fille dans une classe une fois qui a demandé si un jour on allait apprendre à faire des... Mais tu sais, comme le lac des signes, qui fait 32 fouettés, là, qui tourne sur elle-même puis donne des coups de pied en même temps. Là. Mais là, la prof l'a regardée d'un air comme: chérie, ces filles-là, ils font ça depuis l'âge de 9 ans, 30 heures par semaine. C'est comme, ça va te prendre une coupe d'années pour y arriver. Quoique, justement, l'âge n'est pas toujours en cause pour la pratique. Évidemment, c'est sûr que ça peut nous limiter par rapport à comment on a ankylosé notre corps. Mais tu sais, mettons qu'on peut pas aspirer à des mouvements professionnels. Comme justement, on n'apprend pas des pointes à des gens qui veulent pas devenir professionnels. Quel que soit l'âge, étant donné, il faut commencer jeune. Ah, cercle vicieux. Mais reste que, pour moi, tu sais, de pouvoir toucher moindrement, je me demandais à quel point ça allait changer mon appréciation de ce type de spectacle-là. J'ai l'impression que c'est surtout une façon, justement, de me rendre de, entre guillemets, moins mystique. Oui, il y a quelque chose de mystérieux au fait de tenir sur la pointe de ses orteils ou faire des mouvements qui ont quelque chose de surréel, parce que juste la façon que les danseurs se positionnent en danse classique, le fameux « en dehors » est un mouvement contre nature. Tu sais, on met pas nos cuisses dans le sens inverse de la rotation. Il y a quelque chose de pas logique, mais juste le fait de le démystifier, je crois que ça aide, oui, à l'apprécier, à le comprendre tout à fait. Écoute, comme j'ai dit en début d'émission, pour tous ceux qui sont vraiment amateurs du sujet, je vous invite très fortement à écrire sur le Facebook de Critique de Crowd, parce que je serais bien heureuse que tu m'en apprennes plus, mais que inversement, je crois qu'il y a une bonne part de moi qui garde une certaine forme de magie à ce genre artistique-là. Sur ce, ben, aïe, j'étais tellement excitée de voir Fête Nat, puis je vous ai toujours pas ramené la Critique de Crowd, à part vous dire qu'ils sont merveilleux. On va aller en écouter, c'est ma chanson préférée, Vegas Paris. We're at lunch break, that's all. You're not allowed to have a 20 minute. No, I'm sorry, sir. That's all right. Right, I'm paying attention, sir. Standing up straight at my desk. We'll be right back. Gary Vegas sur leur EP Please Don't Stop Saying It's So Beautiful de Fat Nat. Après les publicités, oh oui, du ballet, des gens assis pour checker du ballet. Ils sont aussi debout et pas juste pour les ovations. C'est à suivre. Vous écoutez Critique de Crowd sur les ondes de CISM. Cette capsule est présentée par Promotion Propaganda qui vous propose cette semaine. Imaginez une chicha reliée au pot d'échappement d'une voiture ou encore une grande roue fabriquée de carcasses d'autobus. Des œuvres déjantées d'un collectif d'artistes flyés. BGL de fantasy au cinéma dès le 26 mai. Pour savoir ce qui se passe dans le monde culturel et urbain, consultez nos différents présentoirs partout à travers Montréal. Promotion Propaganda, c'est la culture à portée de main. De retour sur scène, une prestation de l'album Awesome Wave et de nouvelles chansons. RJ, dimanche le 29 octobre, Place Belle, Laval. Billets en vente ce jeudi à 10h au 1-855-634-4472, evenco.ca ou placebelle.ca. Pour plus d'infos, visitez rjband.com. De retour à Montréal ce vendredi 2 juin à l'Olympia avec invités spéciaux Sin and Swoon. Billets en vente maintenant à la billetterie de l'Olympia au 1-855-790-1245 ou via evenco.ca. Le nouvel album Sincerely Future Pollution en vente maintenant. Timber Timbre à l'Olympia ce vendredi, présenté par Greenland et Evenco. Les Francopholies de Montréal reviennent en force pour leur 29e édition. La série Tout en chanson, La Presse Plus présente le retour de la jeune sensation Émile Bilodeau. De l'hiver, de sa mère, des nids de poule et de tous nos rêves. Caroline Savoie et les pièces de son nouvel album. Et un programme double pour les amateurs de synth-pop avec Paradis et Le Couleur. De toutes les autres affaires qui font que les humains de la Terre ont tout plein. Billets en vente au francopholies.com. Présenté par Bell en j'en collaboration avec Ford du Canada, en association avec La Presse Plus et CISM. Les Francopholies de Montréal reviennent en force pour leur 29e édition. Les femmes sont à l'honneur sur scène. La découverte de l'année au dernier gala de la disque, Safia Nolin. Les trois chanteuses Ingrid Saint-Pierre, Delphine Coutan et Fanny Bloom pour une rencontre unique où les univers se croiseront le temps d'une soirée. Et Claude Pelgag avec 29 musiciens. Les billets sont en vente au placedesarts.com, présenté par Bell en collaboration avec Ford du Canada, en association avec La Presse Plus et CISM. La 27e édition du Festival Saint-Ambroise Fringe de Montréal aura lieu du 29 mai au 18 juin. Faites votre choix parmi une sélection de plus de 800 performances qui auront lieu dans plus de 20 salles intimes. Célébrez les artistes locaux, nationaux et internationaux qui convergeront vers le plateau Mont-Royal pour un festival de théâtre, d'humour, de danse, de burlesque et plus encore. Soyez les bienvenus à la fête bilingue des arts indépendants la plus importante à Montréal. Vous écoutez CISM 89,3 FM. We'll be right back. tout pour y faire. Regarde comment, comment c'est fait. Pourquoi foutre de gauche? Tu peux pour y faire, tu te peux sauver des livres jusqu'à ce que tu aies. Je veux jamais que c'est ton. Ah, vous venez d'entendre une nouvelle chanson de Fudge qui lance ce soir un nouvel EP qui s'appelle Man. Et pour pouvoir assister à ce merveilleux lancement, allez au Quai des Brumes. Sur ce, ben oui, vous écoutez toujours Critique de Crowd sur les ondes de la marge. Et oui, plein de suggestions de Crowd à voir, entre autres celles de Fudge, mais bien d'autres pendant la semaine. Et même que jusqu'au 3 juin, je te suggère d'aller voir Falling Angels parce que je vais t'en parler... Ben là, mais pour une fois que c'est encore d'actualité, je te parle toujours de show dans le passé, puis que tu peux plus revoir parce qu'il y avait une seule représentation. Mais là, magie, tu vas pouvoir te présenter au théâtre Maisonneuve. Sinon, vendredi, c'est le tout dernier. Ça, par exemple, c'est vraiment tout dernier, la dernière chance d'aller voir Les Écorchés. Ça se passe au Petit Campus. Sinon, en fin de semaine, vendredi, samedi, c'est un week-end satire pour souligner la deuxième compilation de satire. Oui, feu émission sur les ondes de CISM. Et maintenant, il est tout aussi prolifique. Et ça va se passer à la brasserie Beaubien. Le premier soir, plus acoustique avec The Slums, Fidèle, Fiasco, Route Saint-Louis, Cirrus et Cendrier. Et samedi, ce sera La Cavale, Pain Relief, Societies Hill, Downtown Fiasco, encore une fois, à la brasserie Beaubien. Dimanche, écoute, oh mon Dieu, j'adore le FTA, puis j'ai survolé hier la programmation, alors je vous le suggère parce que ça va être du 1er au 4 juin. C'est une installation performance à l'édifice Wilder à l'espace Florence Jocka Adeno et ça s'appelle Dance Machine. Vas-y, ramène-moi tes commentaires, crowd. C'est une performance entrée libre. Amusez-vous bien. Et sinon, lundi, j'ai beaucoup aimé son avant-dernier album et si peu écouté son dernier. Alors, faudrait que je me remette d'actualité sur Banks qui jouera au Metropolis. Mardi, tout un lancement. Les Chiens de Ruelle au Club Soda, je trouve ça assez merveilleux. Et en première partie, Street Meat, c'est clair qu'il va y avoir une belle ambiance au Club Soda. Ça va être bien, bien fou avec ce folk sale des Chênes Ruelles. Mercredi, c'est commencé. Ce sera tout le long du mois de juin, le Suoni Paris le Popolo. Et mercredi, c'est Horse Lords avec Fern et Corridor à la Casa del Popolo. Et pour ça, je le mentionne en supplémentaire de toute cette crowd, il y a la crowd de livres de la Bibliovente. Alors, va à la Bibliothèque nationale. Et encore une fois, tout est jusqu'au 3 juin. Hein, mais bref, c'est la date à retenir. Jusqu'au 3 juin, t'as une grosse, grosse crowd de livres. Et personnellement, je suis allée hier puis j'ai trouvé un album de Sublime. Fait que je suis bien heureuse. Fait que sois aussi heureux que moi pour des affaires bien pas chères. Sur ça, on va continuer avec des chansons du palmarès francophone de CISM. Jamais été foulé. Crook Bang sur les ondes de CISM avec la chanson Beau de la 17e position. Et en 12e, vous avez peut-être reconnu Police des Mœurs et leur chanson Heure Bleue sur leur album Dédale. Pour toutes les autres positions, il y en a 30 plus un palmarès instrumental anglo et toute autre langue sur les ondes de la marge tous les jours à 6h le soir et aussi sur le site de CISM, CISM893.ca, l'application ou tout autre moyen d'écouter ta musique et ta radio. Sur ce, t'écoutes toujours Critique de Crowd, qui, oui, te jase de ballet, mais je crois que je l'ai pas assez souligné, puisque Falling Angels, c'est un ballet contemporain qui avait lieu, le 25 mai jusqu'au 3 juin au Théâtre Maisonneuve. Moi, je vais avoir assisté à la première. Je le souligne parce qu'on va revenir sur les premières un peu plus tard. Sinon, ben, la dernière fois, c'est ça que je suis allée au ballet, c'était Casse-Noisette, donc à la salle Wilfrid Pelletier. En même temps, Théâtre Maisonneuve, c'est juste un peu plus petit. Sinon, Théâtre à l'italienne. Et les deux me donnent le même feeling. Moi, je prends les billets au balcon parce que... Ben, je suis pauvre. Non, mais aussi parce que ça donne une belle vue d'ensemble. J'avoue que je comprends pas exactement pourquoi les gens, la crowd, se dépêchent à être au parterre, tandis que, ben, contrairement au théâtre où tu veux peut-être voir la mimique avoir cette impression plus proche de l'émotion du comédien en étant plus proche carrément physiquement de lui, à une chorégraphie, tu sais, j'ai pas la différence justement entre une mise en scène puis une chorégraphie où là tu veux voir l'ampleur des mouvements. Je te pose la question, crowd, pourquoi? Moi aussi, j'aurais tendance à naturellement vouloir être le plus près, mais il me semble que là, l'objectif est un peu moins réussi en manquant un peu de la vue d'ensemble. Tu vois, j'hésite parce que, tu sais, j'étais pas toute seule au balcon, mais c'était pas plein. Et non. Et quand je dis point commun entre les deux salles, je sais pas pourquoi, ça doit être probablement inexplicable, c'est peut-être juste moi. Peut-être que je suis pas toute seule non plus à le penser, mais à chaque fois que je vais au balcon le plus haut, j'ai tout le temps le feeling, inversement, de me sentir comme dans le Titanic, puis de descendre genre dans la sous-cave où j'étais avec la plèbe. Non, mais alors, je veux dire... C'est zéro péjoratif de dire la plèbe, c'est juste comme ceux qui ont payé pas cher. Là. Mais putain, ils ont donc bien du fun dans Titanic, tu sais, c'est eux autres qui dansent le rigodon puis qui ont le party, ils lèvent, là, tamper les affaires fancy avec le petit doigt en l'air. Tu sais, c'est là où ça se passe. Et je sais pas pourquoi ça me donne toujours cette impression-là. C'est-tu comme le fait que je monte 1000 marches puis j'ai l'impression que j'escalade puis que je réalise que je manque de cardio? Je sais pas si c'est l'atmosphère plus relâchée et en même temps, comment je pourrais l'expliquer? J'ai observé, oui, les gens dans le hall qui, oui, sont souvent chics, à quel point on les moins rendus dans les plus hauts balcons. Bof! Oui, quand même. Il y avait de la robe de velours et il y avait du jeans. Il y avait des gens qui mettaient leurs pieds sur les bancs d'en avant. Ah, oh, ça, là, j'étais choquée. Tu vois, je le dis en ordre, puis shake. Ah, c'est pas propre. C'est pas juste, là, l'étiquette. Ouais, justement, le bien paraître, là. Non, je sais pas. C'est comme juste un respect du matériel. Mais il semble que tu veux que ta salle reste belle, mais pas tes pieds là! Ça doit être mon instant. Là aussi, je me sens un peu titanique. Mais je crois que c'est vraiment le seul fait que je sois sur le balcon. Dans la vie, j'ai pas le mal de mer, j'ai pas la peur des hauteurs, mais mets-moi sur le bord du balcon, puis j'ai un petit shake là, qui vient de nulle part. Parce que, déjà, comme juste le bord du balcon, je trouve toujours qu'il est comme, tu sais, c'est blanc, c'est rebondi. Je trouve que ça ressemble un peu à un bord de bateau aussi. Plus la... Bon, juste le mot poignet en tête, ça va bien. Mais oui, tu sais, la petite clôture de métal là, sur le bord, là, tout le monde a saisi ce que je voulais dire dans mon manque de vocabulaire. Bref, là où tu peux t'accrocher puis tu te sens semi en sécurité. En même temps, comment tu pourrais tomber d'un balcon Jolene? Impossible, à part si t'as un show de grunge puis tu montes pour stage diver, genre des murs, là. Mais non, là, comme assez impossible, merci. T'es au ballet, tout le monde est tranquille, y a pas de débauche, ça se passe. Fait que j'ai comme une espèce de crainte, une mal de mer qui s'explique pas. C'est drôle de mélange de sentiments comme ça quand je suis au balcon pour voir des spectacles. Mais ça se calme toujours rendu au show parce que, bon, notre attention est quand même concentrée sur le spectacle. Et contrairement à l'affiche qui mettait en gros Falling Angels, le premier ballet, parce qu'il y en avait trois, Evening Songs, qui durait 13 minutes, et sinon Falling Angels était en deuxième, et finalement, pour terminer cette soirée, un ballet de 28 minutes, Searching for Home. Et je le mentionne parce que pour moi, c'est ça, on dirait que je me sentais, tu vois, encore une fois, dans un bateau avec un menu gastronomique. Je ne savais plus l'ordre des repas et comment les consommer. Et ça a été une entrée en matière assez... J'en ai pas de mots parce que c'est aussi la sensation que ça m'a laissé, Evening Songs. Je vais vous faire une petite lecture du dépliant, expliquant, dans leurs mots à eux, ce merveilleux spectacle, accompagné par une chorale magnifique interprétant a cappella les chants éponymes de Dovnark. Evening Songs est une pièce pure et raffinée. Le maître chorégraphe Hihi Kilian met en scène un groupe d'hommes et de femmes qui découvrent au crépuscule les merveilles de la nature. Alors, la nature, il faut un petit peu que tu l'inventes dans ta tête parce que c'est très, très, très épuré. Il n'y a pas de décor, il n'y a que le cœur, justement, sur scène, qui est quand même une crowd en soi plutôt surprenante parce qu'elle prend un espace dans le fond, dans le coin de la salle, la scène, qui... inévitablement, ne sera pas servi par les danseurs. Ils ne peuvent pas leur marcher dessus. Et j'ai trouvé ça quand même particulier parce que justement, ça modifie tellement l'espace dans lequel les danseurs vont pouvoir se servir. Autrement, ben, c'est surtout des danses en duo, en couple. Et ouais, je suis sans mots parce que je ne savais pas trop comment le prendre. Et des fois... C'est quand vient l'interprétation d'une œuvre, est-ce qu'il faut s'être bien informé avant pour mieux l'apprécier en tant que spectateur ou on se laisse aller par le cours des choses? C'est à suivre, particulièrement avec Falling Angels, mais j'ai bien envie, tout en thématique, de te faire jouer Petit Ange de Le volume est au maximum. Le volume était au maximum avec la chanson Petit Ange, chanson qui se retrouve sur l'album Les Vacances. Et vous écoutez toujours Critique de Crowd qui à petit entracte entre le premier et le deuxième ballet et un petit 5 minutes de répit, mon Dieu. Je ne saurais dire, c'était surtout pour permettre aux danseurs de s'installer pour Falling Angels. Et oui, il y a des percussionnistes. Cette fois-ci, ils ne sont pas sur scène, ils sont plutôt sur le côté. Je tiens aussi à mentionner, pour ceux qui sont peut-être habitués à ce type de spectacle, des fois, oui, il y a un orchestre complet. Les ballets classiques romantiques peuvent amener plutôt ce genre-là. Et là, c'est l'inverse, c'est complètement vide. Je trouvais vraiment que j'étais quand même un peu omnibulée par ce non-crowd. Ça faisait un énorme trou devant la scène. Et ouais, c'est drôle comment ça brillait par son absence, l'orchestre. Mais musicalement, non, là-dessus, c'est assez intense. Je vous laisse un petit extrait. Ouais, on va l'entendre là. Ce sera, oui, tout en drame et tout en quelque chose de lumineux en même temps. Cette fois-ci, c'était la bande sonore pour Searching for Home. Pour Falling Angels, c'était des percussionnistes, comme je mentionnais. Oui, je me suis trompée de track, comme vous l'aurez remarqué. Ça, c'est les magies de la radio en direct. Alors, c'était vraiment d'une percussion immense. C'était très répétitif. Puis je vais l'imiter très mal avec ma bouche. Comme c'était constant. Et il y avait quelque chose de très primal. Ouais, primaire. Oui, quelque chose de sauvage. Et cette fois-ci, oui, je vous dirais que par rapport à la démarche artistique qui voulait explorer les contradictions de la discipline du danseur, en lisant la chose et en observant le spectacle, je sais pas ce que j'en retenais. Mais, il y a une vidéo sur Internet qui m'a plutôt sauvée en tant que spectatrice et donc comme crowd. C'est le soliste la première fois qu'ils ont fait le spectacle en 2011, qui disait qu'il ne faut pas avoir d'attente en allant voir Falling Angels, faut pas ni en allant voir Searching for Home, que c'est vraiment plus dans l'expression. Il y a quelque chose comme des tableaux contemporains, puis qu'on essaye tout simplement d'amener une émotion brute, qu'il faut se laisser bercer par l'atmosphère, de ne pas être dans sa tête et plutôt être dans son cœur. Peut-être que c'est la transition-là avec le premier ballet où, oui, peut-être j'avais... Et je crois bien que j'étais pas la seule dans la salle à essayer de comprendre des choses. Mais c'est fou, ça s'est fait tout seul pour le deuxième ballet. Comment ça... J'ai déconnecté et j'ai simplement allé mon esprit vers le moment présent, le beau, parce qu'il y avait quelque chose de très féroce, là, c'est que j'essayais de vous expliquer dans le côté sauvage. Oui, des percussions et des mouvements. C'est fou, il y était que quelques danseurs sur scène et... C'était d'une énergie, 8 danseuses qui ont l'air à la fois d'animal et de végétation. Elles incarnent à la fois le décor, parce que c'est vraiment limité qu'aux éclairages, et il va y avoir un certain jeu entre le corps, les mouvements et les faisceaux de lumière. Et je trouve ça toujours beau, justement, comme crowd, étant donné que la crowd est si tranquille dans ce genre de spectacle, mis à part quand t'as oublié d'éteindre ton téléphone ou que t'as pitchoum. Mais reste que la crowd sur scène, elle est présente, et je trouve c'est toujours beau de pouvoir s'en servir, parce que des fois, les mouvements de foule, il y a quelque chose d'hyper puissant pour créer justement la texture. Quand je dis Amazon, c'est drôle comment ils ont fini par... cette énergie-là en ressort, même si c'était peut-être pas l'intention première lorsqu'ils ont fait le spectacle. Mais c'est là que, ouais, que j'y voyais sa force, des mouvements qui vont en contresens, des mouvements opposés, un fait un, puis l'autre fait complètement l'inverse. Jouer sur les hauteurs. Je trouve que c'est là que ça prend toute sa dimension, justement, de faire des spectacles avec plus que quelques interprètes ou chacun de son côté. C'est sûr que là, on n'est que 8 sur scène, mais non, oui, je trouve qu'il y a tellement une beauté, un potentiel quand vous mettez une foule ensemble. C'est là que c'est beau, oui. Et ce sera, encore une fois, très épuré, très simple, contrairement à Searching for Home, dont on a entendu quelque peu la musique de Philip Glass. Là, il y a vraiment eu un entracte 20 minutes parce qu'il fallait placer le décor. qui est un peu comme une maison avec un panneau qui tourne, une table. Ça joue sur les complexités. Oui, c'est du moi. Là, c'était un ballet très psychologique. Et c'est fou en même temps, même si, oui, on était dans quelque chose de abstrait. Je crois que l'être peut appliquer des choses concrètes. Comme des fois, il y avait des parties du ballet où j'avais l'impression de vivre de la violence conjugale. Et c'est quand même particulier de pouvoir le mettre sur scène. Il y avait quelque chose de super grave à vivre. Puis on le sentait dans la foule, la gravité, un silence glacial, comme le ballet aussi, parce qu'on était très loin des tableaux fantaisistes, des ballets romantiques, justement. Et ça se sentait tellement dans la foule, cette espèce il y a quelque chose de grinçant, c'est fort, c'est poignant, les mouvements sont grands, sont violents et ils sont encore plus nombreux pour ce tableau-là, je crois qu'ils sont 16. Alors oui, il y en a que ça va être juste en duo, mais beaucoup de tableaux en groupe et on a l'impression que chaque personne est aussi la même. Alors par ce tourbillon, mystérieux et en même temps si proche de l'être humain à son quotidien, il y a eu un seul commentaire, si je peux appeler ça un commentaire, à la fin du spectacle. Et je trouve qu'il y a quelque chose de révélateur sur l'atmosphère qu'il y avait dans la foule et ce que ça provoquait aussi comme spectacle dans la foule. C'est dès qu'il y a eu le silence, la fin du spectacle, il y a quelqu'un qui a fait « Ouf! » C'est sûr que j'étais au balcon tout en haut, là, dans le haut de mon Titanic à l'envers. Fait que, clairement, on est juste quelques personnes à l'avoir entendu. Mais je trouve ça tellement révélateur comme réaction dans la foule. C'était super demandant comme spectateur. Fait que c'était comme un... Ouf! Ça avait été demandant! C'est fou! T'as même une réaction physique, là, tu... Ouf! Ouf! C'est fini, mais tu sais, comme ouf, c'est bouleversant. Ouf! C'est plein d'affaires! Alors, merci pour ce ouf tout à fait révélateur, chère personne. Sur ce, ben écoute... j'avais envie de continuer sur cette thématique ange, les Wampas, les anges. Quand tu es né, les anges étaient avec toi. Quand tu mourras, les anges seront avec toi. Toute ta vie, les anges seront avec toi. Quand tu mourras, les anges seront avec toi. Putain, marcher, les anges marchaient avec toi. Quand t'as parlé, les anges parlaient avec toi. Et à l'école, les anges étaient avec toi. Sur le chemin, les anges étaient avec toi. T'es devenu con, les anges étaient avec toi. Nicolas, t'étais le plus fort, les anges marchaient avec toi. Et heureusement qu'ils étaient là pour t'empêcher de tomber plus bas. Quand t'étais seul, les anges étaient avec toi. Wow. J'étais avec toi. Oh, t'as bafouillé, les anges étaient avec toi. Tu l'as revu, les anges étaient encore là. Depuis ce jour, les anges marchent avec vous. Quand tu es né, les anges étaient avec toi. We'll be right back. Simple étrendre, c'est l'album sur lequel on retrouve Les Anges, chanson des Wampas. Et vous écoutez Critique de Crowd, qui, ben oui, est encore et toujours au ballet. Et voilà déjà la fin. Et même si à chaque ballet, il y avait, oui, applaudissements, les gens qui se lèvent debout. Ah, quoique pas tant tout le temps. Hein, à sa discrétion. Mais oui, très, très longs applaudissements. Je me dis que oui, c'est le seul moment où on peut marquer son appréciation en tant que spectateur, mais aussi la façon de procéder, étant donné que chaque danseur s'avance pour faire son salut, ben, ça allonge les clap-clap à un moment donné. Ouais, ouais, ouais. Et ce ne sera pas les seuls à se faire applaudir ce soir-là. C'est un peu accidentellement. Je vais être très franche avec vous. Moi, j'avais acheté mon billet durant le marché Casse-Noisette. En passant, pour tous ceux qui veulent y aller, c'est vraiment l'occasion d'aller acheter ses billets. Et, ben, je ne savais pas, moi, que c'était le soir de la première quand j'ai acheté mon billet. J'étais juste, je vais aller voir ce spectacle, c'est merveilleux, Eric Kilian, qui est vraiment comme un gros nom là, dans les chorégraphes en ce moment. Et même, mon Dieu, je suis en train de lire un livre sur les 100 personnalités marquantes du ballet, puis il est d'âge, comme, mon Dieu, c'est bien gros, tout ça. Fait qu'on soulignait ce soir-là son 70e anniversaire. Bonne fête! Ben, bonne fête en général, là. C'était pas sa date précise, là, quand même. Et ce n'était pas le seul et vraiment pas le moindre anniversaire, puisque c'était le 60e anniversaire des grands ballets canadiens. Et oui! C'était surtout la dernière journée. C'était l'annonce de la retraite du directeur artistique qui est là depuis 1999, Gradimir Pankov, que l'on doit, en tant que Montréalais, ben oui, d'avoir amené les ballets canadiens à un niveau plus contemporain, d'avoir un peu délaissé les classiques en son genre. Merci beaucoup, parce que c'est comme ça aussi, entre autres, qu'on peut avoir des chorégraphies de Kilian à Montréal. Et c'était, ben oui, grosse remise avec des fleurs, la patente, puis tout. C'est quand même gros. Il dit carrément, je me sens comme aux Oscars, puis il faut que je fasse un discours. Les gens rient, les confits. Tout le monde sur scène. C'est juste que, en tant que crowd, c'était quand même particulier parce que moi, j'étais pas au courant. Peut-être que c'est moi qui ai perdu. Je suis souvent perdue dans la vie. Tu vas voir, c'est à suivre. Je suis vraiment perdue. Et peut-être pas, parce qu'ils ont comme allumé les lumières dans la salle. Fait que le monde savait pas trop s'il fallait qu'ils partent ou non. Je te dirais que c'était au compte-goutte. Tu sais, c'est, oh, il y en a un qui part. Ah, ça sent la fin. Je pense qu'on peut partir. Et c'est pas du tout le principe qu'on sentait en otage. Là. C'est pas le fait, on veut absolument garder de la crowd pour ses félicitations, ses remerciements. Mais il y avait comme cette espèce d'ambiguïté-là de, ils ont comme les lumières allumées, on part, on reste. Mais non, ben oui, je trouve qu'on va. Pour moi, c'était accidentel, mais d'avoir, en tant que crowd, participé à ce moment, je suis bien heureuse parce que, en quelque sorte, c'est marquant, effectivement, pour la compagnie. Alors, merci pour tout. Et voilà, on s'en va boire! Ben oui! Ça aussi, je l'avais oublié. Soir de première égale un petit mousseux, un petit vin. Mais cette fois-ci, c'est un petit mousseux, même si c'est plus souvent du petit vin. Reste que là, encore une fois, ça doit être dans mon esprit titaninesque. Tu sais, je me disais comme, c'est-tu pour moi? C'est-tu juste pour Gradimir? Peut-être qu'il a beaucoup soif. Ou c'est pour ses invités? Non, c'était pour tout le monde. Et là, ça, c'est vraiment le facteur critique de crowd. Avec pratiquement 4 ans et demi à 1000 émissions, je connais toujours de plus en plus les barman de Montréal, particulièrement ceux qui travaillent dans les salles de spectacle. Et c'était François, je le salue. Allô, François. Et c'était François qui servait le vin. Là, je dis allô. Là, il est comme, Jolène, bois! Bois! Là, je voyons, t'es bien excité. Non, mais il comprend pas, Jolène, là. C'est parce qu'on en a trop servi. Alors, il y avait comme d'une agressivité pour que tout le monde boive du vin. C'était genre vraiment intense. C'est comme, allez, tout le monde buvez. Là, il lançait quasiment les coupes. Il était comme, buvez, je vous en prie, on en a trop. C'est quand même un drôle de problème. Trop de verres pour le nombre de crowd. Et le pire dans tout ça, c'est que moi, j'ai splitché mon verre ou celui de mon voisin en observant une des toiles, justement, qui a été faite en l'honneur de Gradimir. J'observe, je suis tout à fait attentive devant l'œuvre. Plouch! Plouch dans la chemise d'un inconnu. Et pour toutes les fois qu'il y a de la bière qui se renverse dans des shows rock, puis le monde capote, puis sont offensés, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi cool. Tu sais, t'es comme, ah, pas grave. Tu sais, c'est juste une chemise propre. C'était comme la plus chère de mon garde-robe, je m'en fous. C'est pas grave. C'est pas... Je suis rafraîchie. J'étais comme même plus gênée. J'étais comme, ah ben coudonc, tant mieux, ça t'a fait plaisir. Alors vraiment, une atmosphère plus cool qu'on pourrait le croire. En buvant du vin un soir de première, en allant voir les ballets canadiens. Et sur ça, ben on va écouter le vin dans le chemin, leur plus récent album, Buvez toujours, ne mourrez jamais. Le vin rend les lèvres bleues, il ne rend pas meilleur, il rend un peu enjôleur, il ne rend pas serein, il te fait pleurer pour un rien. Pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, le vin. Le vin rend les lèvres bleues, il rend les idées noires, il met ta tête un peu de travers, il ne rend pas plus beau, ça dépend qui prend la photo. Cerne sous les veilleuses, il ne rend pas plus beau, il te met en mode crescendo. Oh, et si Dionysos aimait bien prendre une bonne brosse, il en va de même pour l'ivrogne. Dansez-vous si la soif vibre. J'espère bien les voir à leur spectacle baroque qui aura lieu au Francofolie Horloge Simard. Et vous avez entendu la chanson Le Vin sur leur récent album Buvez toujours, ne mourrez jamais. Et c'est Critique de Crowd sur les ondes de CISM. Ah, spécial ballet! Je vous avais mentionné deux spectacles parce qu'en effet, le vendredi, je suis allée voir le spectacle annuel des étudiants de l'École supérieure de ballet du Québec. Je dis étudiant finissant, là, ça se peut que je mélange un peu les deux mots puisque, oui, tout le monde est à contribution, mais sont mis en valeur les finissants. Et c'est bien beau ainsi, mais... comme tu le vois de grandeur, il y en a qui sont en deuxième, troisième secondaire, il y en a d'autres qui sont collégiales, quatrième, cinquième secondaire. Alors voilà, voilà. Et à chaque année, ils présentent une partie, oui, plus moderne. Et en première partie, c'est Gisèle. Ah, ce bon classique chorégraphié par Jean Coralie et Jules Perrault sur une musique d'Adolphe Adam. Et tout ça se passe avec... Moi qui veux pleurer intérieurement parce que quand je dis que je suis perdue, ben je suis perdue de même. J'arrive dans la salle, fraîche, heureuse, fière de moi, je suis à l'avance. ce que je crois. J'arrive, puis c'est complètement vide dans le hall de la salle Pierre Mercure. Là, je me dis, voyons, il y a bien de la non-crowd par ici. Je me suis demandé si j'étais comme à la bonne date, la bonne place. Non, Jolene, non, c'est l'heure. Je sais pas où c'est que je me suis imaginé que c'était à 7h30, mais un spectacle commence à 7h. Je vous avouerai que c'est pas trop dans mes habitudes. En tout cas, loin de l'Esco qui commence toujours à 11h30, genre, non, 10h30. Mais reste que là, tu sais, je suis comme, what? 7h? Parce que... C'est grâce ou à cause, non, ce n'est tout simplement l'affirmation de ces deux chers placiers en manque de travail parce que tout le monde était dans la salle qui m'ont dit « Ah, madame, vous venez voir le spectacle? » Et je suis comme « Ben ouais, il y a bien personne. » Désespoir, désespoir. Pour de vrai, là, je me sentais super mal. Je me sentais, pour tout ça que le référent va parler, là, mais je me sentais comme... Comme le show La face cachée de la lune de Robert Lepage, quand le personnage, il s'en va à Moscou pour présenter sa thèse, puis il manque une journée sa thèse parce que il avait oublié de changer l'heure de sa montre. Je me sentais un peu comme lui. Tu sais, tu le sais que c'est complètement de ta faute. Tu le sais, t'avais... C'est comme... Je pouvais regarder sur le billet, j'ai pas regardé, j'étais trop convaincue. J'étais trop convaincue. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah! Reste que, ouais, c'était dans une mauvaise émotion là, que je suis rentrée dans la salle triste, pas capable d'être à mon siège. Je suis même pas à ma bonne place avec des familles autour de moi parce que. Vous direz, j'hésite à dire qui dit spectacle, en guillemets, étudiant, on va te le dire, là, c'est des professionnels. Là, à 30 heures semaine de ballet, tu es un pro, c'est juste que t'as pas nécessairement. Il y en a qui sont déjà engagés en passant, là, quand ils finissent l'école, il y en a que, poup, ils vont tout de suite être placés dans une compagnie, puis ainsi va bien la vie, là, mais reste que c'est ça. Qui dit spectacle étudiant dit quand même beaucoup de familles, beaucoup de petits-enfants, beaucoup de mamans et beaucoup de frères et de sœurs et d'affirmation qui a une certaine candeur, mais qui est surtout remplie de vérité parce que c'était Gisèle. J'ai manqué une demi-heure de Gisèle, mais reste que... Les pointes, il y en a évidemment nombreuses durant la chorégraphie. Et j'ai entendu ce commentaire dans la foule. On dirait des fantômes. Ouais, tu le dis pas fort, tu sais, tu parles durant le spectacle. Hey, on dirait des fantômes. On dirait qu'elle flotte. Et je trouve ça tellement beau comme commentaire parce que les pointes ont été inventées justement pour... magnifier le tout, tu sais, durant un ballet romantique, il y avait quelque chose comme la rêverie, le style très aérien. C'est la danseuse Marie Taglioni qui a mis ça en valeur. Là, elle avait vraiment l'impression de voler. On la voyait, puis c'est... Elle avait l'impression de glisser carrément sur le plancher. Je trouve ça complètement incroyable que sans être en connaissance de cause, ça répond exactement à l'intention que ça avait comme mouvement. Le but, c'est qu'elle a l'air de flotter, puis le commentaire est là. Hey! Ils ont l'air de flotter. Je trouve ça parfait. Ça répond exactement à ce que ça voulait répondre. C'est juste pour ça, j'étais heureuse d'avoir pas été à ma place durant Gisèle. Merci enfant qui fait des commentaires pertinents parce qu'il était vraiment pertinent, même si c'était durant le spectacle. Sur ça, on va écouter Gisèle parce que Gisèle, Xavier Caféine. Je suis parti dans la semaine et ne suis jamais revenu. Gisèle, Gisèle de Xavier Caféine. Et après, Gisèle, version ballet. Ben oui, encore une fois, en tract. Tantôt, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de familles. C'est pas juste, ouais, c'est en présumant en partie. Je peux parler avec tout le monde. Mais aussi, à l'entracte, c'est le genre de petite phrase, là, étant donné que le programme et les photos de toutes les classes, on entend quelqu'un dire « Hey, oh, Jacinthe! » Ben oui, tu te doutes bien que soit c'est des amis, soit c'est des proches, ils veulent retrouver la personne qu'ils sont allés voir, qu'ils aiment de leur tout cœur. Et durant la deuxième partie, comme je vous ai dit, des tableaux plus contemporains, parfois sans musique, des fois, c'était juste en comptant les temps. Ouais, ça, c'était bon. Oui, en clapant des mains, mais aussi comme 1, 2, 3, 4. Je vois qu'il y avait l'aspect de la classe qui était, ouais, très, très intéressant de mettre sur scène. Ce qui m'a été le plus marquant, c'est, oui, en tant que critique de crowd, c'est les tableaux de foule, les tableaux de groupe qui, avaient une si belle harmonie, les mouvements, et pas tout le temps les mêmes, encore une fois, de la variété, différentes hauteurs, faire des mouvements inverses. Je trouve que c'est tellement riche, c'est tellement beau. Pas juste comme 3-4 petits groupes qui font trois affaires différentes, puis que c'est pas harmonieux parce qu'on n'a pas assez d'yeux pour tout voir. Non, là, c'est un véritable équilibre, comme une bête à mille têtes. Vraiment. Je trouve que c'est ça la force aussi de faire des tableaux de groupe. Il y a beaucoup plus de possibilités qu'on voudrait. Ouais, le croire, vraiment. Ça essaie d'être en ligne, crowd, en paquet, mélangé. C'est si beau. C'est si beau. Surtout quand il y a de la technique, hein. Mais parlant de technique, je pense que mes tableaux coup de cœur auront été ceux avec. C'était des duos entre hommes, entre boys. Mais quand même, un gars qui porte un autre gars à bout de bras, c'est assez impressionnant, merci. Hé, tabarouette! Ah ouais, j'ai manqué mes mots. J'en étais presque à sacrer. Mais non, c'était époustouflant, vraiment. Les tableaux avec les gars, ils semblent dire que les filles étaient pas bonnes. Mais surtout, soulever une fille, c'est quand même quelque chose aussi. Mais entre gars, on dirait que ça remettait encore plus en contexte la difficulté de la chose. Aïe, aïe, aïe. Il y a eu un entracte juste avant le dernier tableau qui était « Je reviens à Montréal ». Oui, pas hommage à Charles Bois, mais oui, c'était sa chanson. Un professeur qui est monté sur scène et qui nous a fait faire une révérence. Aïe, aïe, aïe, faire participer de la crowd. Des fois, c'est tout un défi. Ça pourrait être dangereux, ça pourrait être... Et inversement, je crois que comme une bonne professeure de ballet, un peu old school, là, un peu autoritaire, mais en même temps sympathique, fait qu'on le fait, tu sais. Ben oui, tout le monde l'a fait. Et même qu'elle reprenait du monde, le monsieur avec une chemise grise, il se l'est fait dire que ses mains n'étaient pas à bonne place. J'ai trouvé ça... Faut quand même le faire. J'ai trouvé que, c'est encore une fois... Je sais pas le rapport entre avoir pris des cours puis comment j'apprécie le spectacle, mais je peux te le dire que ça ressemblait vraiment à un vrai cours, là. Tu sais, quand tu le fais pas bien, il te replace puis il te replace pour de vrai. Là, qu'il y ait 1000 quelques personnes, peu importe, il va te le replacer ton mouvement. Mais ça a été un bon moment de crowd étant donné que tout le monde est allé de bon cœur. C'était vraiment agréable là-dessus. Je crois aussi que c'est le fait qu'on ait un lien de sympathie. Comme j'ai dit, c'était de la famille. Et encore une fois, c'est parce qu'en sortant du spectacle, les fleurs, les tatas, c'était quand même, assez intense de voir un peu comme une sortie à l'aéroport, comment les gens attendaient leurs proches. Et pour moi, je veux pas réduire le spectacle à dire que c'est un spectacle étudiant parce que ce n'est pas du tout le cas, comme j'ai dit, la qualité est professionnelle. Et pour moi, j'ai beaucoup... je me questionne beaucoup sur la distinction entre justement qu'est-ce qui est amateur, qu'est-ce qui est professionnel. Et finalement, ce n'est que la reconnaissance de ses pairs. Et il y en avait aussi dans la salle. Et c'est tout ce qu'on leur souhaite aussi à ces étudiants-là, la reconnaissance de leurs pairs pour pouvoir œuvrer dans quoi ils ont tant travaillé. Alors, je crois que c'est ce que je leur souhaite. Beaucoup de reconnaissance, chers danseurs. Sur ce, on va finir en musique avec Ultra Pterodactyl et L'Anamour Half... East romantique. Ben oui, romantique à la botte. C'est pour ça que je le mets pour le ballet romantique. Je m'appelle Jolène Ruet et c'est toujours un honneur d'animer sur les ondes de la marge. Suggestions, amour et tout plein d'autres affaires. Va sur Internet, ça a l'air que c'est bien pratique pour écrire des messages. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'émission et à la semaine prochaine. 1, 2, 3, 4! Aucun Boeing sur mon transit, aucun bateau sur mon transat. Adieu, cherche en vain la porte exacte. Je cherche en vain le mot exit. Je chante pour les transistors, le récit de les transistoires. Art de tes alarmes transitoires. Je peine au bois dormant qui dort. J'étais mes écrins de mes galets.